François-Marie Robert du Tertre, L'hiver. Livre audio gratuit lu par Sabine pour audiocité.net. Plus de belles campagnes, plus de feuillage vert, l'enfant de la montagne, hirondelle d'hiver, chantant la cheminée, ou naguère à chanter au beau jour de l'année, l'hirondelle d'été. Et sur les promenades, plus de charmants bouquets, plus de douces œillades, de manèges coquets, là-bas sous les grands ormes, où venaient tous les soirs femmes aux blanches formes, aux épais cheveux noirs. Or, que faire en sa chambre, quand, sur ses traits maigris, le soleil de décembre met son capuchon gris? Il faut se mettre à l'aise, commodément assis, et les pieds dans la braise, s'endormir sans souci. Ou bien, si d'aventure on a le cœur épris pour une créature qui ne soit pas sans prix, il fait bon, il me semble, la prendre dans ses bras, et tous les deux ensemble, se mettre entre deux draps.